te souvenir du vacances et ce qu'à quoi en manquer est-il censé que je me sois pour retenir ce poème. Souvent sont volontaires pour réveiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. Mais ma foi se fait presser et ma santé trop délicate accepte l'air des vents puissants. Tenir les gens pressés. Vu le temps passe, moi je craque. Moi l'espoir est un ami. Mon corps adopte les attaques. Royal, j'accueille le fair play. Connaître le poids des mots qui pèsent est tout pour moi sans rien casser. Être impartial en toute épreuve, même si j'éprouve quoi que ce soit. L'espoir est source du courage. Ça, je pourrais pas me taire. Thank you. faut du cœur et du courage. Je prie parfois pour que tu tombes, que t'atterrisses sur mes cahiers, comme les mots flots qui me plombent descendent d'ici petit papier. Si l'on te trouve, j'aurai honte, honte que mes mots paraissent aux yeux, ainsi montrés aux yeux du monde. Voilà les mots parachutés. Tous les conflits et les querelles. Connaître les mots de ce papier qui parachute les poèmes. Animaux font tous ces courriers, tombent dans l'eau bleue des fontaines. À mon coucher, ces idées, quand le décor n'est qu'un poème, pourquoi le fond de mes pensées plaît aux malades tandis qu'ils gênent. Que d'émotion pour la santé, car mon cerveau que je s'appelle, les mots durs en silencé évoquent le cap de la trentaine. De retrouver toutes mes idées, celles qui soufflaient par les siennes, ce qui pour moi touchait de près, saisit les mondes qui. Le fond des mots comme illusion, îlot de verbe qui culmine. Moi qui vieillis, je suis petit, pourtant grandir de mon rêve. Je plains personne, car le vivant porte une antenne. Capter le flot des soins qui soignent, ainsi la vie pousse les peines. Je plains personne, car en chacun vit cette antenne. Et le plus saint de ceux qui croient. Voir la lumière chez ceux qui saignent. Thank you. routine. Le temps d'or dans son tiroir flotte même sur la madine. Un bidon d'idées nouvelles tire la chasse de l'idéal. Tant de mal vu tout le sel sur son front, char et son charme. C'est Phalange qui craquelle. Il bondit comme un gamin. Là, les corps n'ont pas sommeil. Le mégot, ça lui va bien. Il s'acquitte d'une patente pour vendre sa poésie. Les bouquins sont dans sa tête, il raconte à ses amis. Les parures manquent les babioles, comme on passe le rabot. Ok. Ok. Yes, man. miroir de l'intention, n'y a qu'un pas pour les profanes, celui des raies, le cœur en proie, qui ont les fleurs de la bohème. Le souvenir que du vacarme est ce carquois en bandoulière. Est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? Encore des sourds que j'aperçois, et bien souvent sont volontaires pour réveiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. Mais ma foi se fait presser et ma santé trop délicate accepte l'air des vents puissants seulement si les mots sont papier. Or je ne parle pas, je m'éclate et le recours à mes idées. Elle répète en somme ce poème pour retenir les gens pressés. Comment vous plâmez, vous t'êtes vous plâmez. Vous êtes un affreux. Carme et ce carquois en bandoulière, et tu sens que je m'assois pour retenir ce poème. Encore des sourds que j'aperçois, bien souvent sans volonté, pour habiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. Cette voix blanche.